puisses, faut que tu sois plus fort que l'autre en haut qui va faire descendre. C'est ça la volonté. Quand je parle, j'énerve. J'énerve tout le monde avec l'affaire de l'âme, là, Glenn, hier, là. Tout le monde l'a vu, la manette, c'est là. T'arrives à 70 ans, la manette, l'âme, elle décide de te faire monter de l'autre bord, là. Bah, tu crèves. Il n'y a personne qui a pensé que pour ça, maintenant. Ouais, parce que ça se pense pas. Faut que tu le saches. Mais pour que tu le saches, faut que tu sois un peu intelligent. Puis pour que tu sois un peu intelligent, faut que les impressions qui sont dans ton corps astral, bah, c'est ça nos souffrances, c'est ça vos souffrances. C'est ça les souffrances que vous allez subir pendant des années de temps. Parce que vos souffrances vont pas arrêter la semaine prochaine. Tu peux pas être heureux sur la Terre quand tu te conscientises, c'est impossible. Parce que t'es conscient. Tu peux être bien dans ta peau, hein? Mais tu peux pas être heureux, c'est impossible. Moi, je suis pas un homme heureux, je veux dire jamais, je suis pas intéressé à l'être. Mais je suis bien dans ma peau, hein? Puis je vous garantis que mon bien dans ma peau est encore plus, a plus de valeur que votre heureux à vous autres. Parce que moi, je sais que la manette, va rester là. Mais ça se discute pas, cette affaire-là. Ça se rationalise pas, cette affaire. C'est pour ça que rendu à un certain moment dans l'évolution, pour expliquer, donner une instruction à une humanité, comme un mec, Joe Blue, Université de Montréal, PhD, il viendrait et il dit, Bernard, quelle preuve que t'as? Je n'ai pas de preuve. Je suis pas intéressé à t'en donner, puis je t'en donnerai jamais. Preuve. Je te parle. Parce que tu as des oreilles, puis tu as de l'intelligence. Tu vas comprendre un jour, puis si tu n'as pas, tu crèveras. La manette va tomber. C'est tes affaires. Pas de preuve. Alors, notre conscience astrale, c'est ça qui fait que la manette existe. Toutes les impressions qui sont en nous autres nous enlèvent le pouvoir de maintenir la manette. C'est pour ça que l'homme n'est pas conscient. C'est pour ça que l'homme n'a pas de pouvoir sur la matière. C'est pour ça que l'homme n'a pas le pouvoir sur son esprit. C'est pour ça que l'homme est totalement dans les ténèbres. Parce qu'il vit d'impression. Il vit dans sa nature animale, intelligente. Ses émotions coulent ses pensées, puis ses pensées affectent ses émotions. La force qu'il a besoin pour tenir ce manette-là ici, la force. Parce que pour avoir les reins solides en maudit, pour dicter à eux autres c'est ce que toi tu veux. Pour dicter à eux autres ce que tu veux, toi ici, pour avoir les reins forts, faut être intelligent. Qu'est-ce qui coupe notre intelligence? C'est toutes les impressions dans notre corps astral. Et c'est tout ce qui revient à l'émotivité. Ça, c'est su, c'est connu, ça a été écrit, transcrit, traduit depuis des siècles. C'est du matériel qu'on accepte philosophiquement dans les écoles ésotériques mondiales. Mais il n'y a personne qui a jamais expliqué comment ça marche. La mécanique. Parce que il n'y a personne qui a réellement